Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Dammaj ont le plaisir de vous présenter. Il se sépare jamais ces deux choses, la difficulté et la facilité. Daiman al-mu'min, tu seras touché par les épreuves, comme on a vu les hadiths précédemment. Daiman, après cette épreuve, il y a des facilités. Daiman. Inna ma'al usri yusra. Un cours est donné par le frère Mounir al-Maghribi, hafidhahullahu ta'ala. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد يعني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالزرع. هذا المثال cet exemple que le prophète صلى الله عليه وسلم va citer في هذا الحديث مثل المؤمن كالزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء الحديث. هذا المثال cet exemple النبي صلى الله عليه وسلم montre l'état du mu'min في الدنيا. كالزرع, c'est comme une plante, المؤمن. ولا تزال الريح, انتبه لقوله لا تزال, et le vent il va pas cesser de secouer cette plante, يمنة ويسرى. هكذا المؤمن في هذه الدنيا, c'est comme une plante, et cette plante elle va être secouée à droite, à gauche par le riح. الزرع c'est le mu'min, الريح c'est le fitan. فالمؤمن يبتلى, فلهذا قال في آخر الحديث أو في الحديث ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. لا يزال, أي ça montre l'استمرار, ça montre la continuité des épreuves pour le mu'min في هذه الدنيا. ثم قال ومثل المنافق, تأمل الآن, المنافق الكافر كمثل شجرة الأرزة, c'est un نوع de plante أو d'arbre. الأرزة قال لا تهتز, cette plante elle bouge pas, حتى بالريح. لا تهتز, c'est un arbre, le vent il le fera pas bouger, contrairement à الزرع, l'exemple du مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام كمثل شجرة الأرزة لا تهتز حتى تستحصد. Cet arbre, il ne bougera pas avec le rire. هذا l'exemple du كافر et du منافق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال العلماء ومعنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام. هكذا هذه الدنيا, c'est pas دار النعيم, c'est pas الجنة. ففي هذه الدنيا المؤمن إلى كثير الآلام, أي السفر. قال في بدنه, ربما الله سبحانه وتعالى اللي بخوف avec des maladies. قال أو أهله, ربما اللي بخوف بمرأة عاصية أو avec des enfants ils lui obéissent pas, ils lui font des problèmes. قال أو ماله, كذلك اللي بخوف avec le mal, ربما les portes du risque ils s'ouvrent à ce mu'min et ça devient une fitna. أو ربما الله سبحانه وتعالى اللي بخوف avec قلة المال, أي الفقر. قال وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته. Et ça, ça montre qu'un al-mu'min, il est fi khayr. Malgré toutes ces épreuves, ce mu'min que le prophète alayhi salatu salam, il a comparé à Zara, un rih, elle le fait basculer à droite, à gauche. D'aïm al-mu'min, il est hakada. Il sort d'une épreuve, il rentre dans une autre. Lakin, celui qui patiente, wa yahtasib, bi'idnillah, c'est du khayr. قال الإمام النووي وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته لأن المؤمن il est pas معصوم il fait des péchés فسريع qui va te secouer أيها المؤمن سفيتن c'est pour te pardonner des péchés ربما la personne il a oublié de faire توبة ربما il a eu un تقصير في الاستغفار ربما غفلة فالله سبحانه وتعالى يحب المؤمن et il l'éprouve avec cette épreuve. Et bien, idnillah azza wa jalla, il lui pardonne ses fautes, ses péchés. قال ورافع لدرجاته. Deuxième فائدة. أن ربما المؤمن لا تقصير في العمل. سيأتي. On va citer l'adil la vihada. ربما المؤمن لا تقصير في العمل. ربما il a un اجتهاد ضعيف في العبادة. Et Allah subhanahu wa ta'ala يحبه. Il l'éprouve. حتى il l'élève en degré. لأن cette élévation لا بد من سبب. لأن Allah subhanahu wa ta'ala il est juste. Enfin, vu que ce mu'min il a une faiblesse dans son din ou l'ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala il veut l'élever, il l'éprouve. Et la cause de l'élévation de ce 'abd, c'est cette épreuve. قال الإمام النووي وأما الكافر والمنافق كما في الحديث. قال فقليلها أي هذه الآلام الكافر il sera touché par peu de alam في الدنيا. مع أن بعضهم يصفق إن سفخاص لا يعلمها إلا الله لكن كثير من الكفار وأنتم تعلمون هذا الله سبحانه وتعالى فتح عليهم أبواب الرزق حقيقة فتنة بعضهم ربما يتم جامي مالاد إلى با دي بروف إلى سو كيل فو من حيث المال والنساء والأولاد والبيوت وكذا لكن قال الإمام النووي وإن وقع به شيء سي il est touché par une épreuve. Ça arrive. Maladie ou la perte d'un proche ou perte d'argent. قال لم يكفر شيئا من سيئاته. C'est un عذاب. هكذا حال الكافر. ولو s'il est touché par quelque chose, c'est un عذاب في الدنيا قبل الآخرة s'il fait pas de توبة. قال رحمه الله بل يأتي بها يوم القيامة كاملة. S'il meurt على الكفر. يوم القيامة il viendra avec tous ses dons avec les souffrances qu'il a eues في الدنيا. ففي الحقيقة تستفيد من هذا الحديث ومن كلام الإمام النووي أن المؤمن اللي في خير مهما حصل مهما حصل من الابتلاء مهما حصل من الظلم مهما حصل من الخذلان المؤمن اللي في خير فلهذا قال نبي الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن أمر la situation du mu'min elle est ajiba إن أمره كله له خير دائما il est في خير épreuve أو il n'y a pas d'épreuve هذا حال المؤمن والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة هذا قول الله عز وجل la personne لابد يعلم أن الجنة c'est pas لابد des épreuves حفة الجنة بالمكاره قال عيسى صلى الله عليه وسلم وهنا الله سبحانه وتعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أي est-ce que vous croyez أيها المؤمنون vous allez rentrer في الجنة sans épreuve أبدا قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أبدا des épreuves حتى الله سبحانه وتعالى يدنس الجنة cette récompense à quelqu'un qui mérite et Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam kulli shay lakin itprouve ayyuha al-'abd est-ce que tu mérites hadhihi al-jannah am la falihadha qala wa lamma ya'lam Allah alladhina jahadu minkum tu prends cette épreuve al-jihad Allah subhanahu wa ta'ala il éprouve les mu'minins un jihad Et tu verras que tu auras toujours deux aqsam, comme on a expliqué plusieurs fois. Tu trouveras ba'dan nas Allah waffaqahum fa yaqumun bi juhdin tayyib, que ce soit le jihad bin nafs ou bil mal ou bil lisa. Et tu trouveras ba'dan nas, ils ont un dha'f. وعند الشدائد c'est là que tu vois الثابتين. قال عز وجل ويعلم الصابر ويعلم الصابرين أي qui sait qui va faire le jihad حقا et qui sait qui va patienter tout ça pour entrer الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لابد les épreuves أيها المؤمن هذا c'est لابد هذه الدنيا c'est دار ابتلاء. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عند شرح حديث أبي هريرة المتقدم قال وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للمؤمن بابتلائه بالدنيا في جسده بأنواع البلاء سواء في الجسد أو في غير ذلك كما نرى بالإكسبليكاسيون دو الإمام النووي قال وتمييز له عن الفاجر والمنافق بأنه لا يصيبه البلاء حتى يموت بحاله contrairement aux munafiqs et aux kafirs. Fali hada la taghtar ayyuha al-muslim la situation des kuffar. La taghtar. C'est istidrajun min Allah. Innahum yakiduna kayda wa akidu kayda. Hakada yaqul Allah azza wa jalla. Lana ba'd al-awam rubbama yastaghrib. Il dit les kuffar ils ont tout, ils ont de la pluie. Nous on a la sécheresse. Ils ont la moelle, nous on a la pauvreté. Ils ont la paix, nous on a des guerres. يا أخي سأسأل ابتلاء أولا بسبب الذنوب ثانيا الله سبحانه وتعالى كما لا يسبك يحب المؤمنين فهي veut leur pardonner les péchés بهذا الابتلاء et les élever en degré أما الكافر لا ينفع لا ينفع هذا النعيم combien de temps il va profiter 10 ans 20 ans 30 ans أقل أكثر ومصيره زيما على الكفر سنار فلا تغتر بحال الكافرين أبدا أبدا سكي لي زاتون سا عذاب شديد جدا قال ابن رجب قال وتمييز له عن الفاجر والمنافق بأنه لا يصيبه البلاء حتى يموت قال فيلقى الله بذنوبه كلها فيستحق العقوبة عليها الآن سجي بي أناليزي سو حديث كون ألو سو فيرسي كلام أهل العلم فتا أوكان دوت أن حال المؤمن إلي طيب جدا لكن يفو certaines choses, فقط الإخلاص الاحتساب la personne quand une épreuve le touche يحتسب il se plaint pas il patiente الصبر كذلك الدعاء كالله سبحانه وتعالى il lui donne une issue il lui facilite si le مؤمن il est على هذا إن شاء الله تعالى il est على خير حتى تكالب الأعداء ومحاربة الإسلام والسنة حتى في هذا إيان خير للمؤمن قال ابن رجب قال وكذلك المؤمن يستضعف فيعادي عموم الناس تسحال المؤمن rappelez-vous de l'exemple قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كالزرع فأما المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم il a montré أن l'exemple du مؤمن c'est comme une plante حتى un vent un simple vent il va faire basculer cette plante à droite et à gauche المؤمن ساعب من عباد الله il est ضعيف يتأمل l'exemple du kafir cet arbre حتى le vent il le fait pas bouger لكن le jour où cet arbre il est déraciné il est enlevé il n'y a plus aucune faïda أما cette plante ولو si le vent il la fait basculer à droite à gauche elle est دائما قائمة il y a une faïda عظيمة قال ابن رجب وكذلك المؤمن يستضعف فيعادي عموم الناس حتى Le mu'min al-salih, il a du tawadu' et il reconnaît ses faiblesses. Ça va impliquer qu'il y a كثير من الناس vont le combattre. كثير من الناس. قال لأن الإسلام بدأ غريبا. La cause c'est هذا. La cause أن المؤمن يستضعف et كذلك أن le حق que ce mu'min il possède, كثير من الناس ils veulent pas ce حق. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a qualifié الإسلام بالغربة. بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء النبي صلى الله عليه وسلم il a qualifié هذا الدين بالغربة et cette غربة الغربة معروفة c'est quelque chose d'étranger تعلمون أن الناس combattent ce qu'ils connaissent pas دائما من جاهل شيئا عاده فالآن الإسلام الحق والسنة دعوة الرسل كثير من الناس لا كومبات لماذا اما لا كونيس با اس كي كونيس با سالي في بور سالور في بور اما لا كونيس اي لا كومبات بعناد avec des principes de kufr ou zandaqa ou nifaq. قال الإمام الحافظ ابن رجب قال لأن الإسلام بدأ غريبا ويعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قال فعموم الخلق يستضعفه la plupart de الخلق يستضعف المؤمن يستضعف المؤمن il le combat et il pense que si il le combat ce haq que ce mu'min là il disparaîtra هذا أبدا الله سبحانه وتعالى الناصر دينه. Si un tatoué est analysé depuis l'époque du prophète alayhi salatu salam, et là, les kuffars, ils ont essayé beaucoup d'éteindre Hadan Nour, l'islam. Que ce soit à l'époque du prophète sallam, kuffar Quraysh, ou après la mort du prophète sallam, ashab al-Ridda, ou après, il a yawmina Hadan, da'iman ils essayent de combattre Ad-Din, et ils le combattent, lakin Hadan Din, da'iman il est qa'im. Qala. رحمه الله فعموم الخلق يستضعفه ويستغربه ويؤذيه لغربته هذا أنت en tant que مؤمن النبي صلى الله عليه وسلم t'a comparé à هذا الزرع cette plante et cette plante elle sera touchée par des fitans la bout il a donné l'image de الريح et هذا المؤمن cette plante elle est غريبة كثير من الناس vont vouloir la combattre كثير من الناس لماذا لأن المؤمن إلى على حق وأكثر الناس سوى على باطل المؤمن إلى الإيمان وأكثر الناس سيد كفار المؤمن إلا ما الله سبحانه بخفت عليه الصلاة والسلام أكثر الناس الآن من الكافرين والمنافقين يكون بات الله سبحانه وتعالى يسوم يساجد فالصبر الصبر قال وأما الكافر والمنافق فإنه لا يطمع فيه وهذا سنة كلام طيب أما الكافر والمنافق لا يطمع فيه فظابير ماركي هذا أن سجلي أناليزي toutes les guerres الآن les fitans ça touche les musulmans أما بلاد الكفار الآن سجلي أناليزي ils sont fait أمن وأمن لماذا لأن الكافر لا يطمع فيه il a rien du tout cette dunya qu'il a كثير من الناس ils l'ont comme lui il l'a هذا الدين وهذا الحق que les gens ils détestent et qu'ils combattent le kafir il l'a pas فلا يطمع فيه لا يطمع فيه الطمع إلى في المؤمن بعض الناس من الكفار ils font tout pour combattre هذا المؤمن فصاحب الحق نستفيد من هذا كله أن صاحب الحق يبتلى لابد أنت الله سبحانه وتعالى أكرمك بالإيمان وبالسنة فساش أخي الكريم أن تغادي زبخل لابد صاحب الحق يبتلى كما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيك الأنبياء سدروا وتهل الحق Et c'est Durwat al-Salihi, c'est les personnes qui ont été le plus combattues. Et par rapport à ton iman, par rapport à ce haq que tu as, tu seras combattu par rapport à cette foi. كذلك, Allah subhanahu wa ta'ala, إذا أحب قوما ابتلاهم. كذلك, تقدم. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime un قوم, il les éprouve. سنة الله subhanahu wa ta'ala في خلقه. والمبتلى, إذا صبر, s'il patiente, ويحتسب, ففي الحقيقة إلى على خير عظيم. الحقيقة ستجيء مديت في هذا أن المؤمن كي يبخوي يسقى يبخوي لا شك إلى على خير عظيم. تكفير الذنوب ورفع الدرجات بإذن الله سيما على توحيد من أهل الجنة. سسر خير سسر خير الذي يجتهد فيه الإنسان في التوب وعبر هذا الخير ورفع الدرجات وتكفير الذنوب. Et بإذن الله عز وجل دخول الجنة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة تصيب المسلم أو المؤمن ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه ما من مصيبة تأمل لفظ مصيبة إلى نكرة هنا يفيد العموم n'importe quelle مصيبة petite ou grande المؤمن يستفيد Là, chaque il y a une souffrance, il y a une douleur. Ghurba. Lakin, si patient, بإذن الله عز وجل, ça, العاقبة للمتقين. بإذن الله, c'est lui qui يستفيد. حقيقة, les épreuves, ça rend le mu'min plus fort. Bien sûr, si patient. قال, عليه الصلاة والسلام, حتى الشوكة. Il donne l'exemple de الشوكة. حتى une épine. Qu'il le pique, بإذن الله عز وجل, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne des ذنوب. حتى الشوكة يشاكها. الحديث إلى في الصحيحين. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه. الآن المرض من مرض فما سواه أخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إلى دوني الإكزامب المرض لأن كثير من المؤمنين يسون توشي بار سيت إبخود. قال: إلا حط عنه أو حط عنه خطاياه. Cette maladie, probablement elle va durer une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, ça lui efface ses dhunoubs. La haqiqa, alladhi yata'ammal wa yahtasib wa yuhsin adh-dhann billah azza wa jalla, fi al-haqiqa de cette épreuve, il sera encore plus fort. Ni'ma anta al-an hadhihi adh-dhunub. On a tous des dhunoubs. On a tous fait des fautes et on fait des fautes. Ila al-an. Ces dhunoubs, voilà où tu donnes des millions, des milliards, tu ne pourras pas les effacer. Illa si Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Et parmi les choses qui vont te faire effacer ces dhunoub, al-ibtila min marad wa min ghayrih. Wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma yazalu al-bala bil mu'min. Ta'ammal kathir min al-ahadith qu'on lit fiha lafz la yazal, ma yazal, la tazal. Ça montre l'istimrar. Ça montre anna hayat al-mu'min elle sera toujours liée avec les épreuves. D'ailleurs, on le voit. Tu sors d'un marad, Thomas, tu rentres dans une autre épreuve, Thomas, une autre. Tu vois la fin d'une épreuve, une autre, elle vient. Hakada. Le mu'min, il s'habitue à ça. Et il se prépare. L'an, on n'a aucun doute que le mu'min, il est éprouvé. Ben, on a vécu des épreuves. Le mu'min, il se prépare. Il se prépare. Il yajtahid fil ilm. Il yajtahid fi ta'lim al-aqida. L'aqida, c'est une solution tayyiba. La personne il va patienter, yatawakkal ala Allah. Et la yusi adhan bi rabbihi azza wa jal. Tout ça nastafiduhu min qawlihi ma yazal al-bala. Qala ma yazal al-bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malih. Taqaddam fi al-hadith. Qala hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'ah. Toute cette vie de ce mu'min salih, il a patienté, wa yahtasib, il fait des efforts. Toute sa vie, des épreuves. Obama, il a goûté à la maladie, il a goûté à la prison, il a goûté à des guerres, il a goûté à des fitaines avec sa famille, avec ses enfants, avec... Mahakaza, sa vie, hatta yamut, il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala wa ma alayhi khati'ah. Yawm al-qiyama, il n'a pas un péché. Pourtant, il en a fait. Il n'est pas ma'soum. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé, il lui a tout effacé. Bimada, bilibtila. Fal'an, hada... Cette personne, en fait, il est à la khayr jiddan. Yom al-qiyamah, t'espères être comme lui. Lakin, il y a un passage là, Abu Dhamina, al-dunya. Qala, wa an Abi Hurayra kadhalika radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, inna al-rajul la yakun lahu al-manzil inda Allah. Certaines personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété, il a qaddar annahu il aura 7 manzila fil jannah. Manzila aliyah. Qal, فما يبلغها بعمل لكن سو عمل حقيقة il est pas assez pour atteindre cette manzila que Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Alors tu as deux choses, tu as une manzila que Allah lui a décrété tel degré fil jannah et son amal il est pas assez. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala il est hakim. S'il a qadr cette chose, c'est qu'il la donnera à cette personne. قال فلا يزال الله يبتليه بما يكره. Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne, il va l'éprouver avec des choses qu'il déteste. Cette personne, elle déteste. Min marad, wa faqr, wa fitan, wa hurub. Tout ça, l'insan yakra hada. T'as un être humain, le fitra, elle déteste ces choses. L'insan, la yuhib al-ta'ab. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, yabtali bima yakra, hatta yablughahu iyaha. Hatta son amal, il va atteindre un certain niveau. Tout mal les épreuves, ça va finir. Et il va atteindre cette manzila que Allah lui a écrit. الحقيقة إلي على خير لكن الاحتساب والصبر دائما فأيها الإخوة سالدنيا سدار هموم وغموم هكذا هذه الدنيا سلك بالراحة يجتهد بإذن الله عز وجل في الجنة يلغى الراحة أما هذه الدنيا لا هذه الدنيا نسبيغ باي نو بونس باك تو سوغا في راحة أبدا أبدا مع هذا لا بيرسون لا يتمنى. Mais à la personne, il n'espère pas avoir des fitaines et des épreuves. Abadan, da'iman, il demande assalama wal afiya, comme a dit Aïssa. Lakin, نحن نذكر هذا حتى تتبخبار دائما ولا تيأس et tu désespères jamais أبدا. كذلك tu places ta confiance en Allah سبحانه وتعالى دائما. إذا في شيء اصبر اصبر. Les épreuves ça dure pas أبدا. Ce qui dure بإذن الله c'est الجنة pour le مؤمن والنار pour le كافر والعياذ بالله. أما les épreuves ça dure pas. هذه الدنيا أبدا. الاتفاق, on est tous d'accord, أن أموقا tous. Et celui qui ment à la tawhid, بإذن الله il fait partie de أهل الجنة. أما cette dunya elle demande du sabr فقط. فالشدائد مهما طالت. الشدائد c'est les épreuves, ça vient de الشدة. مهما طالت وتعاظمت لا تدوم. هذه c'est une bouchra في الحقيقة pour le mu'min. N'importe quelle épreuve qui te touchera, min marad, ou sijn, ou harb, ou fitna, ou ça durera pas. Imma ça s'arrêtera. Et t'es encore en vie, imma ça s'arrêtera avec la mort. Bi'idnillah azza wa jal. هذا الشدائد لا لا لا تدوم. هذا في الحقيقة celui qui se remémore souvent هذا بإذن الله عز وجل سيرتاح. إن شدة كي تتوش إن إبخاب أنت تحسن الظن بالله أولا أن بإذن الله عز وجل il veut me pardonner mes péchés, لأن j'ai des péchés. كذلك il veut m'élever en degré إن شاء الله. Et كذلك troisième chose ça s'arrêtera. هذا avec ces trois points ترتاح ترتاح جدا. Mais ma balouk wahid une fitna le touche, il espère pas ces choses. Et il pense que ça va durer. Hada yafshal. Hada la fitna va lui faire du mal. Jiddan, jiddan. Bal, la fitna hadi, ou le shidda, ou le balwa, kullama qawiyat, plus elle s'intensifie, plus l'issue elle est proche. دائما قال عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا كلما عسر أي une difficulté plus cette difficulté s'intensifie ابشر أن الفرج لقريب لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن مع العسر يسرا quand un mal qui te touche automatiquement سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه كما في هذه الآية. Après ce usr, automatiquement il y a un usr. D'aïman. Hakada, Allah il a créé les choses. Hakada. Fa'anta, dès que tu es touché par une difficulté, pense à la facilité qui va arriver. Ça va t'aider à traverser cette épreuve. Wa qala azza wa jal, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Wa'adullah, la yukhlaf. Ça c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. À chaque fois qu'il y a une difficulté, الله سبحانه وتعالى سنة الله سبحانه وتعالى et c'est من باب الرحمة الله il est غفور il est رحيم. Après cette difficulté une facilité مباشرة. قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله قوله فإنما العسر يسرى بشارة عظيمة بشرة. C'est une très bonne nouvelle pour le mu'min هذه الآية. Quand tu es touché par une épreuve أخي الكريم remémore-toi مثل هذه الآيات. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى يُسْرَى. T'es touché par une difficulté, لكن la facilité elle arrive. قَالَ أَنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَ عُسْرٌ وَصُعُوبَةٌ. Quand t'es touché par une difficulté, فَإِنَّ الْيَسِيرُ أَوْ فَإِنَّ الْيُسْرُ يُقَارِنُهُ وَيُصَاحِبُهُ. Il se sépare jamais ces deux choses, la difficulté et la facilité. دَائِمًا الْمُؤْمِن. Tu seras touché par les épreuves, comme on a vu les hadiths précédemment. دَائِمًا. Après cette épreuve, il y a des facilités d'aim. Inna ma'al usri yusra. Qala hatta law dakhala al-usr hujra dhabbin la dakhala alayhi al-yusr. Ça c'est un mythe. Ba'd as-salaf minhum fima azkur ibn Abbas, ils ont cité mythe hadha al-mithal. Hatta law cette difficulté elle rentre dans juhra dhabbin, dans un trou de lézard, elle rentre cette difficulté al-yusr la suivra. Ça c'est pour te montrer hadha al-kalam. La difficulté, elle est toujours suivie par la facilité. Daïman. Qala, kama qala ta'ala, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Wa qala al-allama al-shaykh al-Uthaymeen rahimahullah inda al-aya kathalik, fi tafsirih, qala qawluhu fa inna ma'al usri yusra, hadhihi bisharatun min Allah azza wa jalli al-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa lisa'ir al-umma. Là, en fait, c'est une nouvelle, une bonne nouvelle, bichara. Les Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa lissa'ir l'umma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été prouvé. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a révélé ce verset, c'est une bouchra. Toutes les épreuves que tu vas recevoir, i'lam qu'il y a une facilité ba'daha. Haka kada sa'ir l'umma. قال وجرى على الرسول صلى الله عليه وسلم عسر حينما كان بمكة تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبخب جدا جدا أخرج من بلده مكة ils l'ont combattu il a été blessé في أحد ils ont tué certains de ses compagnons ils l'ont insulté ils se sont moqués de lui ils l'ont accusé d'être مجنون d'être un ساحر tout ça لأنه عليه الصلاة والسلام il a appelé au حق toutes ces difficultés الآن تأمل La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les facilités qu'il y a eu après. Hatta toutes ces personnes qui l'ont combattu, fi Mecca wa ghayriha, la plupart ils sont rentrés fi idinillahi afwaj. La plupart. Hala. Lakin, avant tout ça, al-usr, il a souffert alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Prends l'exemple de Mecca waqat. Mecca, comme j'ai dit le hadith, annaha, c'était ahabbu al-amakin. Et la Rasulullah, c'était la meilleure terre pour le prophète, celle qu'il aimait le plus. Et c'est la meilleure terre, Mecca. Une difficulté, elle l'a touché, c'est une épreuve, il a été chassé de Mecca, il a fait le hijra. Après cette difficulté, des années, le prophète, il patiente, il appelle au haq, al jihad, des quelques années après, il revient, fatihan. Cette ville qu'il aimait tant, c'est sa terre natale, il est revenu, et Fatihan. Et il est revenu et Mecca s'est devenu une ville ard al-muslimine et la plupart des kuffars qui l'ont chassé, ils sont rentrés fidin. Ils sont rentrés fidin illah. Inna ma'al usri yusra. Qala kana bi Mecca yudayyiq ou yudayyiq alay wa fi at-ta'if, ça c'est hal al-mu'min. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi Mecca yudayyiq alay. يضيق عليه يفل با ليسي فير صلاه يفل با ليسي ابلي الله سبحانه وتعالى حتى الى شاسه في الاخير اي لا في الهجره الى المدينه قال وكذلك ايضا في المدينه من المنافقين فصات مونتر ان الابتلاء الى مستمر في مكه الى ايتي بروفي لا في الهجره لله عز وجل عباده عظيمه الى غيبا مكه يس في كومباتر بار المنافقين اذى يلو فون دو مال هكذا المؤمن لكن avec la patience avec la patience ان شاء الله يجد خير قال فالله يقول ان مع العسر يسرا قال هذا الكلام خبر من الله عز وجل وخبره جل وعلا اكمل الاخبار صدقا ووعده لا يخلف فكلما تعسر عليك الامر فانتظر التيسير هذا الشاهد الان سين بروميس الله سبحانه وتعالى ان مع العسر يسرا خبر يا الله سبحانه وتعالى Il est sadiq fi khabarih wa fi wa'dih. Anta, quand tu es touché par une épreuve, attends forcément al-faraj. Attends forcément une issue. Li'an Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a promis. Wa min asbab, qad yaqul qa'il, ma hiya al-asbab? Li'an il y a des asbab. Li'an ba'd an-nas, ils sont touchés par des épreuves, wal-iyadu billah, et son cas, il s'empire. Ba'd an-nas, ils sont touchés par des épreuves, hatta il délaisse ad-din, rubbama. C'est pour ça qu'on a beaucoup précisé en ces épreuves labud tuqabiluha bis-sabr wal-ihtisab wal-ikhlas. Labud, tu dois être mukhlis, annaka tu veux t'en sortir dans ton din, tu dois espérer la récompense et jamais avoir une mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-asbab taqwa Allah 'azza wa jalla. Ça c'est un sabab azim fi kulli khayr. Qala 'azza wa jalla wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. تأمل قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا من الضيق من الفتنة من المشاكل دائما الله سبحانه وتعالى يدونغا اون ايسيو بشرط تقوى الله ومن يتق الله وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المشهور احفظ الله يحفظك احفظ الله c'est التقوى اي Tu respectes les obligations et tu fais autant que tu peux et tu t'écartes des interdits. C'est ça, taqwa Allah Azza wa Jal. Tout ça fondé sur le kitab et le sunnah. Al-an, celui qui respecte hadha, ihfadillah, il respecte toutes ces choses qu'on a citées, ihfadka. Allah subhanahu wa ta'ala, il le ihfad. Walaw, il est touché par une fitna, il est mahfoud, son dîn, il est protégé. Ou alors il est touché dans ses biens, dans sa maison, dans des choses de dunya, son dîn, il est préservé. Et après cette épreuve, une facilité comme un taqaddam. Ou min al-asbab kadhalik ad-du'a. La personne yukthir min ad-du'a, quand il est touché par une difficulté, yukthir min ad-du'a an Allah subhanahu wa ta'ala ya'ti bil-faraj. هذا c'est مهم. قال الله سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فسأله سبحانه وتعالى يجيب المضطر. المضطر c'est une personne, il est touché par des épreuves, maladie, pauvreté, il fait du'a, il est sincère, Allah سبحانه وتعالى il lui répond, il lui répond avec une facilité. فالدعاء الدعاء عند الابتلاء la personne يكثر من الدعاء. كذلك من الأسباب الصبر. La personne يصبر خاصة si tu as compris cette مقدمة qu'on a faite في وجوب الابتلاء على المؤمن. الله سبحانه وتعالى il a créé les choses هكذا المؤمن يبتلى. فأنت t'es un مؤمن ولله الحمد فاصبر, tu seras touché. Ou le muta'ammil, en réalité, si tu patientes pas, ça ne fera pas partir l'épreuve. L'épreuve, elle est là, elle est là. Faqabilha bis-sabr. Tu patientes. Hatta cette épreuve, elle ne fait pas du mal à ton dîn. Et cette épreuve, elle partira. Un jour, deux jours, une semaine, un mois, un an, elle partira. Bi'idnillah, anta tastafid minha, comme on a cité. Nous, si on est touché par une épreuve, on doit tout faire pour comment profiter de cette épreuve. Elle est là, elle est là. خذ مثلا المرض او ان اوت مثال لا بيرد دان بروش سا arrive souvent عند الناس ils perdent un proche, un enfant, un parent, un cousin, un frère, une sœur. الان il est parti, il est parti, il est mort, انتهى. Toi même tu l'as enterré. Patiente الان. Tu patientes pas, ça va changer quoi? ولا شيء. بل ربما بعض الناس cette épreuve et ils s'empirent. ربما يدي دي كلمات كفرية بعض الناس والله كلمات كفرية بوركوا من هذا الكلام صلى الله عليه وسلم alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a repris. في هذا الحال la personne est patiente, il fait du'a بإذن الله عز وجل ce mort il profite لأن tu fais du'a pour lui et toi بإذن الله ça t'élève لأن tu patientes. فالصبر الصبر والعرب تقول العرب les arabes ils ont un مثال طيب في هذا إذا اشتد الحبل انقطع. إذا اشتد الحبل انقطع. أنت سيت أن كورد مثلا مثل هذه إذا اشتدت واحد يتيغي يتيغي يتيغ أن جور سا ساغيترا سا سكوبرا. هكذا المؤمن avec الابتلاء. إذا اشتدت البلاء أو اشتدت الفتن سي كوم أن كورد كي تيغي دون لي دو سونس أن جور سا ساغيترا أن جور سا ستوكورد سكوبرا. هكذا الفتن تشتد تشتد تشتد حتى يقول المؤمن هذه كما جاء في الحديث اي الله سبحانه وتعالى يرحم صعب اي لو في باسي ليبروف ثم ان دوزيام وهكذا تشتد تشتد تدي هذه البار حتى تموت ان جور اون شوز ال توتش تو مور خلاص سي تي مور سي تو مور على خير على التوحيد على باذن الله تاتو غالي هذه لي زيبروف خلاص جاء في الحديث ان اشد الناس أشد الناس فقرا و لا بيرسون كال بلوس سوفير في الدنيا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفال ترومبي في الجنة غمسة في الجنة اون فقط اي فال يدير يا عبدي اسكو تا ديجا كوني لا سوفرونس لا بوفوتي اي فال دير لا يا رب توت لي زيبروف ربما سي اون بيرسون إلى سوفير 50 ans 60 ans في الجنة إلى إيتي ترومبي مرة فقط إلى با ريستي الآن إلى تو أوبلي ما بالك سي رونت في الجنة إي بروفيت دو de an-na'im. Wa fil muqabil al-kafir, la personne akfar an-nas qui a le plus qui a eu le plus de délices fi dunya min al-amwal wa an-nisa wa al-awlad, Allah subhanahu wa ta'ala il va le tremper marra wahida fi an-nar. Il va lui dire ya abd, est-ce que tu as déjà goûté à un délice? Il va lui dire abdan. 50 ans de ni'ma, il oublie tout. Li'anna al-ibra c'est al-akhirah. Amma cette dunya ça va passer. Nahnu le voit hatta al-an. Rubbama des épreuves, elles nous ont touchés. Ta'b. Tout l'épreuve, elle est passée. Khalas, t'oublies. Tout le ta'b, Rubama, ça a duré des mois. Alhamdulillah, tu as des souvenirs, certaines choses. Mais alhamdulillah, c'est passé. Khalas. إذا اشتد الحب انقطع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لتحقيق هذه الأسباب النافعة. كذلك ننبه أن الشخص يحذر من سوء الظن بالله عز وجل، لأن أحيانا الفتنة أو البلوى تشتد et la personne s'il ne fait pas attention يضعف, il ne place pas sa confiance en Allah حتى يسيء الظن مثلا il espère plus un khayr. بعض الناس مثلا il est touché par une épreuve, souvent t'entends بعض الناس ils disent mais pourquoi mon fils il est mort مثلا نعوذ بالله. Ça c'est un سوء الظن بالله. لأن الله سبحانه وتعالى si il a repris ton fils il y a une hikma عظيمة. Et cette question pourquoi, elle ne sert à rien du tout, elle te fait du mal. فقط أيها المسلم فالحذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث قال الله عز وجل الحديث حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي. الله سبحانه وتعالى إلى عند ظن العبد. فلا بيرسون ينتبه. المسألة مسألة جنة ونار، مسألة الدنيا هذه أخي الكريم سي با على فان يا ديبلوم وعلى فان يا لا على فان سي جنة أو نار. فالعاقبة إما جنة إما نار. ربي صلى الله يتأمل الأمر لخطير جدا. كذلك ننبه أن الأمر في ظاهره من مسألة أو من فتنة أو من بلوى كتتوش في الظاهر سابيت أن شر في الحقيقة سخير عظيم، وهذا تقدم معنا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لا بيرسون يتأمل بهذا. أحيانا لا بيغ دان أنفون بعض الناس ربما يظن أنه سيشر عظيم، والله ربما سيخير كبير بوغ توا. تأمل قصة في سورة الكهف avec le خضر موسى. ربما cet enfant il aurait grandi ربما il te fait perdre ton dîn. ربما الله سبحانه وتعالى il a une rahma pour toi, il sait que cet enfant ça allait être un mujrim, il l'a repris en bas âge. يتعلمون أن أبناء المسلمين ils sont في الجنة بالاتفاق. فالله il a voulu un khair pour cet enfant, s'il grandit il peut dévier, il l'a repris tôt. Et كذلك il veut un khair pour ses parents, لا يتعبون. Et ربما ils ont un deuxième enfant, c'est un salih. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تأمل قصة الإفك عائشة رضي الله عنها. Ils l'ont accusé de zina et elle est bari'a رضي الله عنها. C'est من أفضل النساء. C'est la femme du prophète عليه الصلاة والسلام. حتى هي ما سلمت. Ils l'ont accusé. أنا هلا في الزنا. Toute cette épreuve, Allah سبحانه وتعالى il a descendu les versets sourate An-Nur, ma'roufa, pour montrer à Aïcha elle est innocente de cette accusation. قال عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. Toute cette musibah, ils ont fait du mal au prophète صلى الله عليه وسلم. Ils ont accusé Aïcha. Sahaba, ils étaient tristes. La femme du prophète صلى الله عليه وسلم, elle a accusé. Al-Munafiqoun, ils en profitent. Al-Kuffar, ils en profitent. Ils essayent de montrer à la femme du prophète صلى الله عليه وسلم elle a fait cette jarima. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul la tahsabuhu sharran lakum. Ne pensez pas que c'est un char pour vous. Qal bal huwa khayrun lakum. C'est un bien pour vous. C'est un bien. Ça a élevé Aïcha. Al-an, ces versets là, yawm al-qiyamah, on les récite sur Aïcha radiyallahu anha. Cette épreuve, elle a élevé Aïcha jiddan. Elle était très jeune. Elle l'a élevé jiddan. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, il a démontré que cette femme Aïcha, elle est innocente. Ma balouk. Personne l'a défendu. Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, l'imada, l'annaha la patiente, radiyallahu ta'ala anha. Et après cette difficulté, al-usr, et cette accusation, al-yusri est venu. Fa inna ma al-usri yusra. Wa ma hasala lana nahnu fi dammat, min toutes ces ibtila'at, al-fitan, ba'd al-nas ils accusent, bila ilm, bila hujja, et bel. Al-Kuffar, ils ont attaqué Al-Markiz, comme vous le savez. Hissar. 3 mois de Hissar. Blocus complet. Alhamdulillah, Al-Tullab, ils ont patienté. Qatl al-Abriya. Ils ont tué des frères innocents. Et je fais allou les frères qui sont morts. Talabat al-Ilm, ils sont venus, ils ont appris leur din. Du jour au lendemain, artillerie lourde. Des bombardements, fil bidaya, nuit et jour. Yusri est venu. تذكرون أيام الحزار في البداية ثم الضرب ثم اليسر petit à petit. Les bombardements, ils ont diminué. Alhamdulillah, la plupart des frères, ils avaient à manger. Allah, il nous a éprouvé tout le monde. Des facilités. Alhamdulillah, les frères qui sont morts, ils ne sont pas morts à la batil. Abadan. Inch'Allah, on espère que c'est min afdal al-shuhada fi hadha al-asr. Al-haqiqa istafadu. شوف الآن كم من الإخوان خرجوا une autre épreuve تعب أما هؤلاء بإذن الله ils sont à la خير فالسد difficulté حصار قتل وقتال هدم البيوت كذلك une épreuve بيتك tu l'as acheté بمالك تطلب العلم un قوم من الزنادقة قاتلهم الله ils bombardent ليل نهار حتى هدموا كثير من البيوت والمساجد avec tout ça بإذن الله اليسر. Al-an, on est dans des amakin tayyiba. Rubama, certains frères, ils ont trouvé des choses meilleures qu'ils avaient avant. Niveau nourriture, niveau appartement, niveau. C'est fadlun minallah. Et da'wa, c'est da'wa. Da'wa, c'est da'wa. Da'wa, c'est pas fondé sur des murs, y'a jama'a. Da'wa, c'est pas fondé sur des murs. On s'est pas fondé sur un village précis. Abadan. Da'wa, elle est fondée sur l'ilm. Il soit à Damaj ou autre. Ahada. Ahada dhulm. Al-wadih. هذا الظلم الواضح كي أيوه لا أحد ينكره أبدا فهذا الظلم إن شاء الله سيعقبه اليسر والنصر سنة الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا هذه سن بشرى كما قال شيخ ابن عثيمين كما قال الإمام النووي كما قال الشيخ سعدي سن بشرى بالمؤمن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. Ne pense pas أخي الكريم أن ce qui s'est passé في دماج سن الشر أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم il est أفضل منا il est معصوم c'est أفضل الخلق il a été chassé de son visage de son village avant nous مع نحن والله الحمد on est sorti بعز on est sorti بعز لأن ثلاث أشهر والضلال الكفر الزنادق الروافض ولله الحمد ils n'ont pas pu avancer d'un mètre في دمج أبدا نحن on est sorti c'est طاعة لولي الأمر. Ce n'est pas Mimbab, on ne pouvait plus. Aula, ta'atan li wali l'amr. Cette fitna qu'il y a eu, elle est fondée sur des. Il y a des intérêts politiques pour certains. Il y a. Les kuffars, ils sont rentrés via des fitna. Ils veulent se débarrasser de da'wa. L'amr, il n'est pas simple. Fanahnu, khurujuna min dammaj, il était basé sur ça. Fatwa al-Sheikh Hafidahullah, ta'atan li wali l'amr. On n'est pas des khawarij. On n'est pas des ashab hawa. Pendant des années, dommage, ils apprennent l'aqidah sahiha, ثم une fitna, خلاص, on fait le khuruj contre le hakim. Abadan. Même si ce khuruj, il implique qu'on quitte le village. On sort aqidatan, et parce qu'on applique le haq. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne laissera pas hada le haq. Abadan. Léna le khuruj, ce n'était pas une fuite. Abadan. On aurait voulu fuir, on aurait fui la première semaine. Le khuruj, ce n'était pas parce qu'on avait plus d'hommes. Abadan. Alhamdulillah, la plupart des tollabs, ils n'étaient pas blessés et ils étaient vivants. Par rapport aux blessés qu'il y a eu et les morts, par rapport aux frères qui étaient salimines, ça n'a rien à voir. Al-Khuruj n'était pas min hadha al-bab, comme yadhun ba'd an-nas. Abadan, al-Khuruj, il était li anna al-maslaha taqtadi dhalik. Maslaha, on est arrivé à un point, la meilleure solution c'était hadha. Et tout ça, bi idhnillah, il y a un khayr azim fi. Il y a un khayr azim. Walaw ba'd an-nas la yafhamoun. من الخير مثلا أن هذه الدعوة كتي بازية دمج دعوة أهل السنة في الحقيقة سنين elle est محاصرة le blocus qui a eu les trois derniers mois c'est un blocus complet أما blocus ça fait des années qu'il est ça fait des années qu'il est en place tu peux pas sortir ربما tu peux pas te soigner ربما الدعاه الى الله عز وجل ايفل سورتير دو دماج اي سون فويي اي سون الحصار صافي لونطون فربما اراد الله سبحانه وتعالى ان هذا الخير ينتشر اكثر تعلمون ان على فا avec toutes les fitan qui a eu beaucoup de duat ils sortaient plus حتى pour le khutbah de jumu'a كثير من الناس في اليمن وفي غيره ils profitaient pas de la da'wa directement حتى à l'époque نذكر أن كثير من الناس ils envoyaient leurs enfants في العطلة الصيفية les vacances scolaires en été كثير من اليمنيين ils envoyaient leurs enfants à Damaj les dernières années ils pouvaient plus avec les fitan les guerres ils avaient peur pour leurs enfants على الشك أن ربما هذا الخير الآن كت محاصر كثير من الناس اللي كومباتي عسى الله سبحانه وتعالى أراد أن الدعاة إلى الله ينتشرون الخير يعم نحن le voit de nos yeux الآن صنعاء on le voit de nos yeux الآن كم من الإخوان يفون الدعاء أو يفون الدعوة هذا في مسجد كذا هذا il est parti dans cette ville الناس في صنعاء فرحوا بالدعوة جدا جدا dans la rue بعضهم il vient il sait que t'es dommage ربما il te pose une question ربما بعضهم تضع غستوران إيه بيان سلوي كي بي هذا حصل هذا خير بعضهم إذا فين إيماج دماج بعضهم إذا انتوا دماج دلوا هؤلاء يسون دون لغ فيلاج سي دي مونستر الآن يتوفوا تو سوري تو بار كثير من الناس ونا بارلي افيك بعض الناس يديزين نو بونسيكس فوزيتي كذا تشويش من بعيد فالخير اللي عظيم جدا الدعوة سي الدعوة الشيخ الحمد لله اللي فيفون طلاب Ils sont présents, walillahi alhamd. Al-mudarrisoun, ils sont là. Al-mashayikh, ils sont là. Al-da'wa, c'est da'wa. Là, t'adonna, on est sorti de Damaj, khalas, il n'y a plus de da'wa. Abadan. Bal, mais idnallah, on a l'espoir. Et nahnu, on pense, anna da'wa, elle va être aqwa. Aqwa. Le prophète, sallam, il est sorti de Mecca. Et la da'wa, elle est devenue aqwa vil Medina, et il a repris Mecca. Fa nahnu, on espère que notre rouge, bi idnallah, azza wa jal, ça rend la da'wa plus forte. Et on le voit, nous, à Sana'a, ça fait quelques semaines, on le voit à l'an. Akthar. Fal'il, Akhil Karim, il n'est pas mouta'alliq avec le chakhs. Il n'est pas mouta'alliq. Cheikh Foulani meurt, ça ne veut pas dire, khalas, il n'y a plus de da'wa. Ah, bêtan. Fama balouk, nous, wallahi l'ham, da'wa, les machayikh, ils sont là. Wallahi l'ham. A da'wa, il n'est pas mouta'alliq avec le makan. Dammaj, il y avait l'ilm, on sort dammaj, il n'y a plus l'ilm. Ah, bêtan. A dammaj, l'ilm, il y a jama'a, c'est le hifd. C'est ce qu'il y a dans les cœurs, c'est la mémorisation. Al-ilm, c'est la compréhension. Al-ilm, c'est les kutub. Al-ilm, c'est l'ijtihad. Hada. Al-ilm, c'est pas des montagnes et un markez. Et... Al-an, dammaj, il y a les montagnes, les mêmes montagnes, il y a le même markez. Lakin, le responsable, al-alim, qui s'occupait de ce centre, et ses tullab, ils sont sortis. Al-an, il n'y a plus d'ilm. Hada. Ça, il faut bien le comprendre. أن هذا الخروج سي با ان شر ابدا سان ابتلاء ديفيرونسي بيان انتر ليبتلاء ليبروف اي لو مال ديفيرونسي بيان لان النبي صلى الله عليه وسلم ايتي توشي بار ليبروف است كو سيتي ان مال ابدا ابدا هذا سي مهم فدعوه دار الحديد بدماج الي باقيه باذن الله عز وجل ولو سي لي نون شانج لاندرو شانج الدعوه سي الدعوه والعلم سي العلم والشيخ يحيى حفظه الله سي شيخ يحيى يسوى دماج واخر ما بالك الان وما جاهل دماج اون يدان لو كرسي اي اون يدان 10000 جهال معه سا با فير كو ما فير دو تو الان tu prends الشيخ حفظه الله avec ses طلاب tu les mets dans un autre endroit et on est reparti باذن الله عز وجل الان نحن ولله الحمد اصلا on a repris les دروس on a le même groupe pratiquement الا بعض الاخوان رحمهم الله Et alhamdoulilah les mêmes livres, alhamdoulilah d'ars, alhamdoulilah on propage les doros dans le site internet et la khair ala khair. Les murs ils ont changé. Et il n'y a plus le bruit de fond. Starahna. Ah là, c'est des choses comme ça qui changent jamais à vaqat. Amma l'ilm c'est l'ilm. Wallah l'essentiel c'est alhamdoulilah que la personne il a stafed min hayt l'ilm. On te pose n'importe où. On te pose n'importe où, t'es à l'ilm. L'essentiel, tu ne vas pas dans un endroit où il y a du sharb et l'al-kufr et la khair volontairement hakada. Amma t'as été chassé. Et tu te retrouves dans l'endroit, bi'idnillah ta'ala khair. Et la da'wa elle est qawiyya fi san'a. Wallah, la da'wa elle est qawiyya fi san'a. Ashabna fi masjid Sa'wan, Cheikh Mohamed, Mani' wafaqahullah, ashabna fi masjid al-Fath, Cheikh Abu Ishaq, ashabna fi basha'il al-khair, Cheikh Ali, et Cheikh Yahya hafidahullah, muhadara huna, durus huna, les mashaykh de Dammal, des tullab, la da'wa elle est qawiyya jiddan fi san'a. La personne, il profite min hada. Il profite, et c'est passé. C'est passé. Aqsud dar al-hadith, on est à Damaj. Khalas, on est sorti, la personne, il avance. La chakana, on est triste. On est triste. Nous, on s'est habitué à Hunak. Et on avait des amis Hunak, min ahl al-bilad. Et il y avait une ambiance. La chakana. Qui se fait, Qaddar Allah wa shafa'al. Et on avance. Wallah, les kuffar, ils font tout. Ils font tout, ila l'an. Et c'est eux qui sont tahta hada, ma'rouf. C'est eux qui sont tahta hada. Al-Rawafid al-Houthi, c'est des. C'est... Ils n'ont aucun poids. Ils sont poussés, vaqat, ils sont le front. Ils sont devant, vaqat. Amma, derrière tout ça, c'est des intérêts politiques et c'est manipulé par le kuffar. Enfin, eux, ce qu'ils veulent, c'est que cette da'wa elle s'arrête. Enfin, plus ils nous combattent, plus elle s'arrête. Najtahid akthar. Najtahid akthar. On trouve un endroit, bi'idhnillah, n'importe où. On s'assoit, on enregistre et les dorus. Et ala Allah. هذا اذا ساكي لو في دو مال جدا هم هم الان يظنون ان انا صرت الدماج خلاص تصاغت سي تو الكونترير الشيخ الان يس ديبلاسي في دي محاضرات دي دروس لمشايخ كذلك للطلاب لي فخير الحمد لله الحمد لله فسا خير عظيم سا خير عظيم وعسى الله سبحانه وتعالى ان يهيئ بمكان احسن صحيح دماج سي با اون تير ساكري ابدا دماج سي ان مكان كي ايتي ليفي بار العلم أن أتمكن الله سبحانه وتعالى يسر إن شاء الله لو علم يقول إيه الله إلا يبغى المكان أما لا تيغو المال سي أن فيلاج parmi les villages هذا هذا سي مهم يا جماعة نحن on dit مثل هذا هذا الكلام حتى لا بيرسون il désespère pas خلاص ils sont sortis de Damas je vais plus au Yémen il y a plus de علم أبدا أبدا نحن الآن on est dans une période de transition يحتاج صبر فقط ربما il y a des frères on est dans tel endroit des autres dans tel endroit on n'est pas tous dans le même makan lakin alhamdulillah les efforts ils sont là et si Allah il nous facilite on se retrouve tous dans un même endroit c'est reparti bi'inillah azza wa jal hatta la personne la yadhun khalas c'est fini abadan abadan et les frères qui suivent le site que ce soit le site de Cheikh Yahya ou l'Uloum ou le site des frères francophones alhamdulillah il voit la ta'wal continue bel ربما الان on a plus de temps dans certaines choses ربما لان هناك كنت مشغول avec les gardes avec kada avec kada Alhamdulillah, nahtasib anna sta ajr adhi. Al'an, les efforts qu'on faisait dans certaines choses à Damas, on les refait dans d'autres ici. Et l'essentiel, c'est le fruit. Hada fait, on ne désespère pas. Abadan. Abadan. Bel, c'est du khayr. Nahnu, on appuie anna tout ce qui s'est passé, bi'idnillah wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, talabat al-ilm? Kathir minhum, ils connaissent le Coran. Ils connaissent des hadiths. Ils appliquent. Ils font des efforts. Ils ont délaissé de dunya. Ils ont. Tadhun anna ha'oula. Allah subhanahu wa ta'ala il va les délaisser abadan ça c'est min su'adhan billah su'adhan billah wa la taghtar bi qawl wa'ad al khadda'in ashab al khadda'in ba'd al nas ils ont du khadda'in ayyam al harb ayyam al shidda ba'd al nas ils ont pas bougé un doigt et al'an ils ont du hiqd après tout ce qui s'est passé ils sont sortis parce qu'ils ont fait c'est leur péché c'est leur ya akhi on n'a jamais dit qu'on était des anbiya ou des malaika on n'a pas de péché abadan Abadan, il y a des péchés. Lakin, ce qui se passe, c'est du khayr. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a une qudwa, c'est notre exemple. Hatta bihada. Hatta bihada. Et nous, alhamdulillah, stafadna une deuxième hijra. Ni'ma. Amma ba'dan nas kalam faqad. Ayyam shidda, il ne bouge pas un doigt. Rubbama ba'dahum il bilal al-kuffar. Il n'a pas fait encore la première hijra, il n'a pas réussi. Yat'an fi talabat al-ilm, ils sont à leur deuxième hijra. Et alhamdulillah, ils avancent. La taqtar. La taqtar. Ba'dan nas, c'est des soufaha. Allah, ba'dan nas, c'est des soufaha. 200 morts, t'enterres des frères avec tes mains. Takharuj, un jahl, c'est vos péchés, c'est kada. Il oublie le Rawafid. Le Rawafid, ils n'ont pas de péché. Il oublie kada. Le Rawafid, c'est des kuffars. En face, t'as un qawm de muslims. Ou alors, on a khtalif dans certaines choses. Lakin, on est des muslimis. Et al-adou, c'est le même, c'est des kuffars. Lakin, ba'dhum, là. C'est kada, c'est kada. Et avec le Rafida, pas un mot. Pas un mot. Amma, les gestes, min bab aoula, y a pas grand chose. فالله المستعان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مشايخنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماء المسلمين ودعوة أهل السنة في كل مكان وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين دوما بإذن الله أن continue الدرس في التقريب تقريب التدمورية والحمد لله على كل حال